Adaptation Pauline Timonier. Réalisation Baptiste Guiton. Troisième épisode. Après avoir été embauché à la fosse du Voreux près du village de Montsou comme mineur, Étienne a trouvé à se loger dans une auberge tenue par un ancien de la mine, Rasseneur, qui s'est installé en face du Voreux après avoir été licencié à la suite d'une grève. Il a deux chambres. La seconde est occupée par Souvarine, un Russe qui a dû fuir son pays après un attentat manqué contre le tsar. Souvarine est machineur. Le soir, l'aubergiste et les deux ouvriers discutent politique. Étienne s'enflamme aux idées d'un certain Pluchart et d'une toute nouvelle association internationale des travailleurs qui vient d'être créée à Londres. La lutte du travail contre le capital les rassemble, même si l'idéalisme d'Étienne se heurte souvent au désabusement de Souvarine. Mais pour l'heure, c'est jour de fête au village et tout le coron s'y rend, bien décidé à oublier la mine le temps d'une danse. C'était le dernier dimanche de juillet, le jour de la Ducasse de Montsou. Le soir, on terminait la fête au bal du Bon Joyeux. C'était la veuve Désir qui tenait ce bal, une forte mère de 50 ans qui appelait tous les charbonniers ses enfants, attendrie à l'idée du fleuve de bière qu'elle leur versait depuis 30 années. Ce dimanche-là, dès 5 heures, on dansait. Mais ce fut vers 7 heures que les salles s'emplirent. Maheu et Étienne venaient de retrouver Chaval, dansant avec Catherine, tandis que Philomène, la fille des Levaque et maîtresse de Zacharie, les regardait. Ni Levaque ni Zacharie n'étaient là. Enfin, il était 8 heures lorsque la Maheude parut. Derrière elle, entrait la Levaque, qui amenait par la main Achille et Désiré, les petits que Philomène avait eus de Zacharie. Et les deux voisines semblaient très d'accord, causaient l'une avec l'autre. En chemin, la Maheude s'était résignée au mariage de Zacharie, désolée de perdre le gain de son aîné, mais vaincue par cette raison qu'elle ne pouvait le garder davantage sans injustice. Elle tâchait donc de faire bon visage, le cœur anxieux, en bonne ménagère qui se demandait comment elle joindrait les deux bouts, maintenant que commençait à partir le plus clair de sa bourse. Et toi, la voisine ? Ah, merci. Mon mari ne devrait pas tarder. Ouais. Maheu avait échangé un regard avec sa femme. Elle consentait donc. Lui aussi était pris de l'inquiétude du lendemain, devant l'ingratitude de ses enfants qui se marieraient un à un en laissant leurs parents dans la misère. Allez, à la joie, au mariage. Pourquoi on ne prend pas un logeur ? Étienne, par exemple, il cherche une pension. On aurait de la place puisque Zachary va partir. Et l'argent qu'on perdrait de ce côté-là, on le regagnerait en partie de l'autre. Ah, mais sans doute, bonne idée. Faut arranger ça. Non, je lui dirai. Alors Maheu s'empara d'Étienne et lui proposa de le prendre comme logeur. Le jeune homme accepta, très désireux d'habiter le coron, dans l'idée de vivre davantage avec les camarades. On régla l'affaire en trois mots. La Maheude déclara qu'on attendrait le mariage des enfants. Et justement, Zacharie revenait enfin avec Mouquet et Levaque. Tous les trois rapportaient une haleine de genièvre et une aigreur musquée de filles mal tenues. Je vais me marier. J'entendais ça. Désolée, Philomène. Oh, j'aime mieux le voir rire que pleurer. Vers le milieu d'août, Étienne s'installa chez les Maheu. Maintenant, chaque soir, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. Toujours Étienne reprenait la même causerie. Est-ce qu'on est des bêtes pour être ainsi parqués les uns contre les autres, si entassés qu'on ne peut changer de chemise sans montrer son derrière au voisin ? Madame, si on avait plus d'argent, on aurait plus d'aise. Tout de même, c'est bien vrai que ça ne vaut rien pour personne de vivre les uns sur les autres. Ça finit toujours par des hommes sous et par des filles pleines. Et la famille partait de là. Chacun disait son mot. Non, sûrement, la vie n'était pas drôle. On travaillait en vraie brute à un travail qui était la punition des galériens autrefois. On y laissait la peau plus souvent qu'à son tour. Tout ça pour ne pas même avoir de la viande sur sa table le soir. Sans doute on avait sa pâtée quand même. On mangeait, mais si peu, juste de quoi souffrir sans crever. Quand arrivait le dimanche, on dormait de fatigue. Les seuls plaisirs, c'était de se saouler ou de faire un enfant à sa femme. Encore la bière vous engraissait trop le ventre et l'enfant, plus tard, se foutait de vous. Non, non, ça n'avait rien de drôle. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Quand on est jeune, on s'imagine que le bonheur viendra, on espère des choses, et puis la misère recommence, toujours. On reste enfermé là-dedans. Moi, je ne veux de mal à personne, hein, mais il y a des fois où cette justice me révolte. Bon, faut cracher sur rien. Une bonne chope est une bonne chope. Les chefs, c'est souvent de la canaille, mais il y aura toujours des chefs, pas vrai? Inutile de se casser la tête à réfléchir là-dessus. Comment? La réflexion serait défendue à l'ouvrier? Eh, justement, les choses changent. L'ouvrier réfléchit aujourd'hui. Est-ce que tous les citoyens ne sont pas égaux depuis la Révolution? Puisqu'on vote ensemble, est-ce que l'ouvrier devrait rester l'esclave du patron qu'il paie? C'est pour ça, nom de Dieu, et pour d'autres choses que tout pètera un jour, grâce à l'instruction. On n'a qu'à voir dans le coron. Les grands-pères n'auraient pu signer leur nom. Les pères le signent déjà, et quant aux fils, ils lisent et écrivent comme des professeurs. Ah, ça pousse petit à petit. Dès qu'on bouge, on vous rend votre livret. Mais vu à raison. Ce sera toujours le mineur qui aura la peine, sans l'espoir d'un gigot de temps à autre en récompense. Encore si ce que les curés racontent était vrai, si les pauvres gens de ce monde étaient riches dans l'autre. Ah, ah oui, les curés. S'ils croyaient ça, ils mangeraient moins et ils travailleraient davantage pour se réserver là-haut une bonne place. Non, non. Quand on est mort, on est mort. Oh mon Dieu, mon Dieu. Alors c'est bien vrai, nous sommes foutus nous autres. Ah, voilà encore des idées. Est-ce que vous avez besoin d'un bon Dieu et de son paradis pour être heureux? Est-ce que vous ne pouvez pas vous faire à vous-même le bonheur sur la terre? D'une voix ardente, il parlait sans fin. C'était brusquement l'horizon fermé qui éclatait. Une trouée de lumière s'ouvrait dans la vie sombre de ces pauvres gens. L'éternel recommencement de la misère, le travail de brute, ce destin de bétail, tout le malheur disparaissait comme balayé par un grand coup de soleil. Et sous un éblouissement de féerie, la justice descendait du ciel. Puisque le bon Dieu était mort, la justice allait assurer le bonheur des hommes en faisant régner l'égalité et la fraternité. N'écoute pas, mon homme. Tu vois bien qu'il nous fait des comptes. Est-ce que les bourgeois consentiront jamais à travailler comme nous? Mais la Maheude aussi finissait par sourire, l'imagination éveillée, entrant dans ce monde merveilleux de l'espoir. Et ce qui la passionnait, ce qui la mettait d'accord avec le jeune homme, c'était l'idée de la justice. Ça, vous avez raison. Moi, quand une affaire est juste, je me ferai hacher. Et vrai, ce serait juste de jouir à notre tour. Ah, tonnerre de Dieu. Je suis pas riche, mais je donnerais bien 100 sous pour ne pas mourir avant d'avoir vu ça. Ah, quel chambardement. Hein? Mais ce sera pour bientôt. Comment s'y prendra-t-on? Étienne recommençait à parler. La vieille société craquait. Ça ne pouvait durer au-delà de quelques mois, affirmait-il carrément. Sur les moyens d'exécution, il se montrait plus vague, mêlant ses lectures, ne craignant pas devant des ignorants de se lancer dans des explications où il se perdait lui-même. Tous les systèmes y passaient, adoucis d'une certitude de triomphe facile, d'un baiser universel qui terminerait le malentendu des classes. Et les Maheu avaient l'air de comprendre, approuvaient, acceptaient les solutions miraculeuses avec la foi aveugle des nouveaux croyants. 9 heures passées, est-il permis? Jamais on se lèvera demain. Souvent, à ces causeries, des voisins se pressaient. L'influence d'Étienne s'élargissait, il révolutionnait peu à peu le coron. C'était une propagande sourde, d'autant plus sûre qu'il grandissait dans l'estime de tous. La Maheude le traitait avec considération, en jeune homme qui la payait exactement, et elle lui faisait, chez les voisines, une réputation de garçon instruit, dont celle-ci abusait en le priant d'écrire leurs lettres. Aussi, dès le mois de septembre, avait-il créé sa fameuse caisse de prévoyance, très précaire encore, ne comptant que les habitants du coron. Mais il espérait bien obtenir l'adhésion des charbonniers de toutes les fosses. On venait de le nommer secrétaire de l'association, et il touchait même de petits appointements pour ses écritures. Cela le rendait presque riche. Il se paya des vêtements de drap et une paire de bottes fines. Et du coup, il passa chef, tout le coron se groupa autour de lui. Dans les premiers temps, le jeune homme éprouva une gêne en face de Catherine. Au coucher, au lever, il devait se déshabiller, se rhabiller près d'elle, la voyait elle-même ôter et remettre ses vêtements. Il affectait de se détourner, mais il la connaissait peu à peu. Les pieds d'abord que ses yeux baissés rencontraient, puis un genou entrevu lorsqu'elle se glissait sous la couverture. Puis la gorge au petit sein rigide dès qu'elle se penchait le matin sur la terrine. Elle, sans le regarder, se hâtait pourtant, était en 10 secondes dévêtue et allongée près d'Alzire. Mais au bout du premier mois, Étienne et Catherine semblaient déjà ne plus se voir, quand le soir, avant d'éteindre la chandelle, ils voyageaient déshabillés par la chambre. Puis, la chandelle éteinte, ils comprenaient qu'ils ne s'endormaient pas, qu'ils songeaient l'un à l'autre malgré leur fatigue. Dans l'obscurité, elle restait comme morte. Mais il entendait qu'elle ne dormait pas non plus. Et il le sentait, elle songeait à lui, ainsi qu'il songeait à elle. Des minutes s'écoulaient, ni lui ni elle ne remuaient, leur souffle s'embarrassait seulement, malgré leur effort pour le retenir. À plusieurs reprises, il fut sur le point de se lever et de la prendre. C'était imbécile d'avoir un si gros désir l'un de l'autre, sans jamais se contenter. Pourquoi donc bouder ainsi contre leur envie? Mais il n'alla pas la prendre, et elle ne se retourna pas, de peur de l'appeler. Écoute, puisque tu vas à Montsou pour la paye, rapporte-moi donc une livre de café et un kilo de sucre. Bon. Je te chargerais bien de passer aussi chez le boucher. Un morceau de veau, hein? Il y a si longtemps qu'on n'en a pas vu. Non, mais tu crois donc que j'ai à toucher des 1000 et des 100? La quinzaine est trop maigre, avec leur sacrée idée d'arrêter constamment le travail. Tous deux se turent. C'était après le déjeuner, un samedi de la fin d'octobre. La compagnie, sous le prétexte du dérangement causé par la paye, avait encore ce jour-là suspendu l'extraction dans toutes ses fosses. Saisie de panique devant la crise industrielle qui s'aggravait, ne voulant pas augmenter son stock, elle profitait des moindres prétextes pour forcer ses 10 000 ouvriers au chômage. Tu sais qu'Étienne t'attend chez Rasseneur. Emmène-le, il sera plus malin que toi pour se débrouiller si l'on ne vous comptait pas vos heures. Et cause donc à ces messieurs de l'affaire de ton père. Le médecin s'entend avec la direction. N'est-ce pas, vieux, que le médecin se trompe, que vous pouvez encore travailler? Ça fait seulement 10 jours que vous êtes cloué sur cette chaise. N'est-ce pas que vous pouvez encore travailler? Eh bien sûr que je travaillerai. On n'est pas fini parce qu'on a mal aux jambes. Tout ça, c'est des histoires qu'ils inventent pour ne pas me donner la pension de 180 francs. Quand je pense aux 40 sous que vous ne rapporterez peut-être plus jamais. Oh mon Dieu! Nous serons bientôt tous morts si ça continue. Mais quand on est mort, on n'a plus faim. Chez Rasseneur, Étienne était venu aux nouvelles. Des bruits inquiétants couraient. On disait la compagnie de plus en plus mécontente des boisages. Elle accablait les ouvriers d'amendes, un conflit paraissait fatal. Justement, lorsqu'Étienne arriva, un camarade au retour de Montsou racontait qu'une affiche était collée chez le caissier. Mais il ne savait pas bien ce qu'on lisait sur cette affiche. Un second entra, puis un troisième, et chacun apportait une histoire différente. Il semblait certain cependant que la compagnie avait pris une résolution. Allez, allons-y. Allons-y. Souvarine. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Je dis que c'était facile à prévoir. Ils vont vous pousser à bout. La compagnie, atteinte par la crise, est bien forcée de réduire ses frais si elle ne veut pas succomber. Et naturellement, ce seront les ouvriers qui devront se serrer le ventre. Elle rognera leur salaire en inventant un prétexte quelconque. Depuis 2 mois, la houille reste sur le carreau. Presque toutes les usines chôment. Comme elle n'ose chômer aussi, la compagnie rêve à un moyen terme. Peut-être une grève, d'où son peuple de mineurs sortira dompté et moins payé. Enfin, la nouvelle caisse de prévoyance l'inquiète. Ça devient une menace pour l'avenir. Tandis qu'une grève l'en débarrasserait en la vidant. Quelle idée! Pourquoi tout ça? La compagnie n'a aucun intérêt à une grève, et les ouvriers non plus. Le mieux est de s'entendre. Alors t'es contre la grève, toi? Oui. Tiens, tu n'as pas de cœur. Laisse parler ces messieurs. C'est bien possible tout ce que le camarade raconte. Mais il faudra nous y résoudre à cette grève, sinon on nous y force. Pluchart, justement, m'a écrit là-dessus des choses très justes. Lui aussi est contre la grève, car l'ouvrier en souffre autant que le patron sans arriver à rien de décisif. Seulement, il voit là une occasion excellente pour déterminer nos hommes à entrer dans sa grande machine. Combien avez-vous dans la caisse de secours ? À peine 3000 francs. Et vous savez que la direction m'a fait appeler avant-hier ? Ils sont très polis, ils m'ont répété qu'ils n'empêchaient pas leurs ouvriers de créer un fonds de réserve. Mais j'ai bien compris qu'ils en voulaient le contrôle. De toute manière, nous aurons une bataille de ce côté-là. 3000 francs, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fiche avec ça ? Il n'y aura pas 6 jours de pain ? Non, non, c'est trop bête cette grève. Voyons, voyons, Rasseneur. Alors, pour la première fois, des paroles aigres furent échangées entre ces deux hommes, qui d'ordinaire finissaient par s'entendre dans leur haine commune du capital. Et toi, Souvarine, qu'en dis-tu ? Les grèves ? Des bêtises. En somme, je dis pas non si ça vous amuse. Ça ruine les uns, ça tue les autres, et c'est toujours autant de nettoyer. Seulement, de ce train-là, on mettrait bien 1000 ans pour renouveler le monde. Mais commencez donc par me faire sauter ce bagne où vous crevez tous. Salut. Salut. Je vous aime bien, Maheu ? Mais non, je suis juste venu chercher Étienne pour aller chercher la paye à Montsou. Ah. Allez, bien. Avis de la compagnie aux mineurs de toutes les fosses. Devant le peu de soins apportés au boisage, la compagnie a pris la résolution d'appliquer un nouveau mode de paiement pour l'abattage de la houille. Désormais, elle paiera le boisage à part au mètre cube de bois descendu et employé en se basant sur la quantité nécessaire à un bon travail. Le prix de la berline de charbon sera baissé dans une proportion de 50 centimes à 40. La compagnie appliquera ce nouveau mode de paiement à partir du lundi 1er décembre. Nom de Dieu, jamais on ne rattrapera avec le boisage les 10 centimes qui minaient sur la berline. C'est une baisse de salaire déguisée. Nom de Dieu, mais nous sommes des gens foutres si nous acceptons ça. Maheu et consorts, veine filonnière, taille numéro 7. Maheu et consorts, veine filonnière, taille numéro 7. 135 francs. Ah, pardon, monsieur. Êtes-vous sûr que vous vous êtes pas trompé ? Non, je ne me trompe pas. Il faut enlever 2 dimanches et 4 jours de chômage, donc ça vous fait 9 jours de travail. Et n'oubliez pas les amendes. 20 francs d'amende pour boisage défectueux. Le haveur eut un geste désespéré. 20 francs d'amende, 4 journées de chômage. Alors le compte y était. Lorsqu'il aurait remis leur part à Zachary, à Étienne et à l'autre camarade qui remplaçait Chaval, il lui resterait au plus 50 francs pour lui, son père, Catherine et Jeanlin. À la fin, le prenez-vous ? Vous voyez bien qu'un autre attend. Si vous n'en voulez pas, dites-le. Je le prends. Attendez, j'ai là votre nom. Toussaint Maheu, n'est-ce pas ? Oui. Monsieur le secrétaire général désire vous parler. Moi ? Oui, entrez. Il est seul. Étourdi, l'ouvrier écouta pendant 5 minutes le secrétaire général. Mais le bourdonnement de ses oreilles l'empêchait d'entendre. Il comprit vaguement qu'il était question de son père, dont la retraite allait être mise à l'étude, pour la pension de 150 francs, 50 ans d'âge et 40 années de service. Puis, il lui sembla que la voix du secrétaire devenait plus dure. C'était une réprimande. On l'accusait de s'occuper de politique. Une allusion fut faite à son logeur et à la caisse de prévoyance. Enfin, on lui conseillait de ne pas se compromettre dans ses folies, lui qui était un des meilleurs ouvriers de la fosse. Certainement, monsieur le secrétaire. J'assure à monsieur le secrétaire. Dehors, quand il eut retrouvé Étienne qui l'attendait, il éclata. Alors ? Je suis un genre foutre. J'aurais dû répondre. Pas de quoi manger du pain et des sottises encore. Et c'est contre toi qu'il en a. Il m'a dit que le coron était empoisonné. Mais quoi faire, nom de Dieu ? Plier les chines, dire merci. Il a raison, c'est le plus sage. Allez, viens. De nouveau, ils traversèrent les groupes qui barraient la rue. L'exaspération croissait. Quelques têtes sachant compter avaient fait le calcul. et les 2 centimes gagnés par la compagnie sur les bois circulaient, exaltaient les crânes les plus durs. Mais c'était surtout l'enragement de cette paye désastreuse, la révolte de la faim contre le chômage et les amendes. Déjà, on ne mangeait plus. Qu'allait-on devenir si l'on baissait encore les salaires? De Montsou au coron, Étienne et Maheu n'échangèrent pas une parole. Lorsque ce dernier entra, la Maheude, qui était seule avec les enfants, remarqua tout de suite qu'il avait les mains vides. Eh ben, tu es gentil. Et mon café, et mon sucre, et la viande. Un morceau de veau t'aurait pas ruiné. Putain, voilà ce que je te rapporte. C'est notre travail, à tous. Comment faire vivre 9 personnes avec 50 francs pour 15 jours ? Et du coron entier monta bientôt le même cri de misère. Les hommes étaient rentrés. Chaque ménage se lamentait devant le désastre de cette paye. Des portes se rouvrirent, des femmes parurent, criant au dehors, comme si leurs plaintes n'eussent pu tenir sous les plafonds des maisons closes. Elles s'appelaient sur les trottoirs, elles se montraient dans le creux de leurs mains l'argent touché. La Maheude était sortie comme les autres. Un groupe se forma autour de la levaque. Dire que j'ai vu ce matin la bonne Dénbo passer en calèche. Ouais, la cuisinière dans la calèche à 2 chevaux, allant à Marchiennes pour avoir du poisson, bien sûr. Une clameur monta. Cette bonne en tablier blanc menée au marché de la ville voisine dans la voiture des maîtres soulevait une indignation. Lorsque les ouvriers crevaient de faim, il leur fallait donc du poisson quand même. Et les idées semées par Étienne poussaient, s'élargissaient dans ce cri de révolte. L'injustice devenait trop grande. Ils finiraient par exiger leurs droits, puisqu'on leur retirait le pain de la bouche. Le soir, chez Rassonneur, la grève fut décidée. L'aubergiste ne la combattait plus, et Souvarine l'acceptait comme un premier pas. Chic, mes amis, si elle veut la grève, la compagnie aura la grève. Oui, oui. Si elle applique ses nouveaux tarifs, alors elle verra. Elle verra. Une semaine se passa, le travail continuait soupçonneux et morne dans l'attente du conflit. Au chantier de Maheu, le labeur était pénible. Cette partie de la veine devenait très humide. On redoutait d'heure en heure un coup d'eau, un de ces brusques torrents qui crèvent les roches et emportent les hommes. Mais la menace continuelle était les éboulements. Car outre l'insuffisance des boisages, les terres ne tenaient pas, détrempées par les eaux. 3 fois dans la journée, Maheu avait dû faire consolider les bois. Il était 2h30, les hommes allaient remonter. Couchés sur le flanc, Étienne achevait le havage d'un bloc lorsqu'un lointain grondement ébranla toute la mine. Qu'est-ce donc ? C'est un éboulement ! Vite ! Vite ! Suis-moi ! Ça va, papa ? Ça va, ça va, allez, allez ! Tous dégringolèrent, se précipitèrent, emportés par un élan de fraternité inquiète. Ils couraient à la file le long des voies, l'échine pliée. Lorsqu'ils arrivèrent à la cheminée, ils s'y engouffrèrent. Ils tombèrent les uns sur les autres. Ce fut Bébert, le fils des Levaques, qui annonça la triste nouvelle. Jean-Laïtsou ! Nom de Dieu ! Il y a un bar aussi, Chico. Il arrivait de sa taille et Jean-Laïtsou refermait la porte d'aérage et tout à coup, l'éboulement les a engloutis. Nom de Dieu ! Venez ! Quand on appelle les camarades, on entend un râle qui sort des décombres. On l'entend ! Il y en a au moins vivant, venez vite ! Prenez les pioches ! Ces plaintes n'étaient pas des plaintes d'enfants. Un homme se trouvait là, pour sûr. À 20 reprises déjà, Maheu avait appelé Jeanlin. Pas une haleine ne soufflait. Le petit devait être broyé. Thank you. dans une adaptation de Pauline Timonier. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Troisième épisode, avec Mohamed Rouhabi, Émeric Le Serre, Vincent Garanger, Emeline Bayard, Myrtille Bordier, Jean-Marie Vinling, Christophe Brault, Johanna Nizar, Nicolas Gonzalez, Didier Brice, Grégoire Isvarine, Cécile Péricone, Maude Menissier, Bruno Pavio, Quentin Barbosa, Pauline Ziadé, Zélie Chalvignac, Clara Noël et Sophie Dole. Musique originale, Sébastien Quincé. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Manu Couturier, Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Claire Chesneau. Retrouvez l'intégralité du générique sur franceculture.fr.